Marie d'Agreda, la cité mystique de Dieu, la fuite en Égypte. Chapitre 26, où sont racontées les merveilles que l'enfant Jésus, sa très sainte mère et saint Joseph firent à Héliopolis en Égypte. Lorsqu'Isaïe dit, 19:1, que le Seigneur entrerait dans l'Égypte sur un nuage léger pour y faire éclater les merveilles qu'il y voulait opérer, il est constant, soit que l'on entend de sa très sainte mère, soit qu'avec d'autres interprètes l'on entend de l'humanité qu'il en avait prise, il est constant, dis-je, qu'il a voulu signifier par cette métaphore qu'il fertiliserait cette terre stérile, c'est-à-dire les cœurs des habitants de ce royaume, par le moyen de ce divin nuage, afin qu'elle produisît à l'avenir de nouveaux fruits de sainteté par la connaissance de Dieu, comme il arriva après que ce nuage céleste y fut entré. Car aussitôt la foi du véritable Dieu se propagea dans l'Égypte, l'idolâtrie y fut détruite, et le chemin de la vie éternelle, que le démon avait tenu fermé jusqu'alors, fut ouvert. Et cet ennemi de nos âmes l'avait tenu si bien fermé, qu'on eût trouvé à peine dans le pays une personne qui connut la véritable divinité lorsque le Verbe incarné entra. Et, quoique quelques Égyptiens eussent puisé cette connaissance dans le rapport avec les Hébreux, qui l'habitaient, ils y mêlaient néanmoins beaucoup d'erreurs et de superstitions, et plusieurs pratiques qui se rattachaient au culte du démon, comme avaient fait autrefois les Babyloniens qui étaient venus demeurer à Samarie, 4 Rois 17-24. Mais après que le soleil de justice eut éclairé l'Égypte, et que la nuit exempte de toutes sortes de souillures, l'auguste Marie, l'eut fertilisée, Isaïe 19:1, elle fut si remplie de sainteté et de grâce, qu'elle en donna abondamment des fruits durant plusieurs siècles, comme on a vu dans le grand nombre de saints Éden à Corète qu'elle a produit ensuite, et qui ont distillé dans ces montagnes le miel délicieux de la sainteté et de la perfection chrétienne, Joël 3, 18. Le Seigneur, voulant distribuer ses faveurs qu'il destinait aux Égyptiens, s'arrêta dans la ville d'Héliopolis, ainsi que nous l'avons dit, et comme elle était fort peuplée et remplie d'idoles, de temples et d'autels consacrés aux démons, et que tous s'écroulèrent avec un bruit épouvantable lorsque l'enfant Jésus y entra, on ne saurait exprimer la crainte, l'émotion et le trouble dans lesquels ce prodige inouï jeta tous les habitants, Isaïe 19:1, etc. Ils erraient dans les rues comme éperdus d'épouvante, et la curiosité de voir les étrangers nouvellement arrivés se joignant à cet effroi général. Il y eut un grand nombre d'hommes et de femmes qui allèrent parler à notre grande reine et au glorieux Saint Joseph. La divine mère, qui savait le mystère et la volonté du Très-Haut, répondit à tous avec beaucoup de prudence, de sagesse et de douceur, par des paroles qui touchaient profondément les cœurs. Ils admiraient sa grâce incomparable et la sublimité de la doctrine qu'elle leur enseignait comme tout en les retirant de leurs erreurs elle guérissait en même temps plusieurs des malades qui se trouvaient parmi ceux qui la visitaient. Ils étaient consolés en toutes les manières. Le bruit de ces miracles se répandit de telle sorte que la prudente et divine étrangère se vit en peu de temps abordée de tant de personnes, qu'elle fut obligée de prier son très saint fils de lui indiquer ce qu'il voulait qu'elle fît dans cette rencontre. L'enfant Dieu lui répondit de leur apprendre la vérité et la connaissance de la divinité, de leur enseigner son culte, et les moyens dont elle devait se servir pour sortir du péché. Notre princesse exerça cet office de prédicateur et de docteur des Égyptiens comme organe de son très saint fils, qui donnait cette admirable vertu à ses paroles. Et le fruit que ces âmes en tirèrent fut si grand, qu'il faudrait faire plusieurs livres s'il fallait raconter les merveilles qui arrivèrent, et les conversions à la vérité qui eurent lieu pendant les 7 années qu'ils demeurèrent dans ce pays, car il fut tout sanctifié et rempli de 12 bénédictions, psaume 24. Toutes les fois que notre divine dame écoutait ou instruisait ceux qui la venaient voir, elle prenait l'enfant Jésus entre ses bras, comme celui qui était l'auteur de cette grâce et de toutes celles que les pécheurs obtiennent. Elle parlait à chacun selon la portée de son esprit, et se servait des moyens les plus convenables pour que tous reçussent et pénétrassent la doctrine de la vie éternelle. Elle leur fit connaître la divinité et leur apprit qu'il n'y avait qu'un Dieu, et qu'il était impossible qu'il y en eût plusieurs. Elle leur enseigna aussi toutes les choses et toutes les vérités relatives à la divinité et à la création du monde. Ensuite elle leur déclara que Dieu même le devait racheter et réparer là et elle leur expliqua tous les commandements que contient le décalogue, et qui sont fondés sur la loi de nature elle-même, leur enseignant de quelle manière ils devaient servir et adorer Dieu, et comment ils devaient attendre la rédemption du genre humain. Elle leur fit comprendre aussi qu'il y avait des démons ennemis du véritable Dieu et des hommes, elle les désabusa des erreurs dans lesquelles les entretenaient leurs idoles avec les faux oracles qu'elles rendaient, et que ces mêmes démons les portaient à consulter, en contribuant secrètement au désordre de leurs passions, pour les plonger ensuite dans des péchés énormes. Et, quoique notre auguste reine fût si pure et si éloignée de toutes sortes d'imperfections, elle ne laissa pas néanmoins, regardant en cela et la gloire de Dieu et le salut des âmes, de leur inspirer une juste horreur des crimes abominables dont toute l'Égypte était souillée. Elle leur déclara aussi que le restaurateur de toutes choses, qui devait vaincre le démon, selon les prédictions des Écritures, était déjà venu, sans leur dire pourtant que ce fut celui qu'elle tenait entre les bras. Et, afin qu'on reçût plus facilement toute cette doctrine et qu'on embrassât avec plus d'affection la vérité, elle la confirmait par de grands miracles, guérissant toutes sortes de maladies, et délivrant les énergumènes qui venaient de divers endroits. Elle se rendait quelquefois dans les hôpitaux, où elle opérait des merveilles en faveur des malades, de sorte que partout elle consolait les affligés, soulageait les misérables et secourait les pauvres, et l'instruisait tout le monde avec un amour maternel, reprenait chacun avec une sévérité mêlée de douceur, et gagnait tous les cœurs par ses bienfaits. En ce qui concerne les malades qui avaient des plaies, notre divine dame se trouvait balancée entre la charité, qui l'obligeait à les leur panser de ses propres mains, et un sentiment de retenue qui la portait à ne toucher personne. Et afin de la tirer de cette peine, son très saint fils lui dit de guérir les hommes par ses seules paroles et en les instruisant, mais qu'elle pouvait toucher les femmes et panser elle-même leurs plaies. Et c'est ce qu'elle fit dès lors, exerçant tour à tour les offices de mère et d'infirmière à tous, jusqu'à ce que Saint Joseph commença de guérir aussi les malades, ce qui arriva 2 années après, comme je le dirai. Notre auguste princesse s'attachait surtout à guérir les femmes, et cela avec une si grande charité, que, malgré son extrême pudeur et sa délicatesse, elle pansait elle-même leurs plaies, quelque ulcérée qu'elle fût, et y appliquait les linges et les bandages nécessaires, et elle montrait à toutes ces malades une compassion aussi vive que si elle avait senti leurs maux. Il arrivait parfois que, pour exercer cette charité, elle demandait à son très saint fils la permission de l'ôter de ses bras, et alors elle le mettait dans son berceau et s'employait à soulager les pauvres, parmi lesquels le même Seigneur des pauvres revoyait sous une autre forme l'humble et charitable dame, Matthieu 25, 40. Mais, chose admirable, jamais, au milieu de ses œuvres et de ses soins, elle ne regardait qui que ce fût au visage, Et lors même que la plaie s'y trouvait, notre très modeste reine la pansait avec une telle retenue, qu'après coup elle n'eût pu reconnaître aucun malade à ses traits, si d'ailleurs elle ne les eût connus tous par la lumière intérieure. Les chaleurs excessives de l'Égypte et les grands désordres de ce misérable peuple amenaient ordinairement des maladies très dangereuses dans le pays. La peste ravagea Héliopolis et plusieurs autres endroits pendant le temps que l'enfant Jésus et sa très sainte mère y demeurèrent. Ces calamités et le bruit des merveilles qu'ils opéraient leur attiraient un grand nombre de malades, qui s'en retournaient avec la santé du corps et de l'âme. Mais le Seigneur voulant étendre davantage sa grâce, et que la très compatissante mère fût soulagée dans les œuvres de miséricorde, qu'elle faisait comme instrument vivant de son adorable Fils, détermina, à la prière de notre divine Dame, que Saint Joseph instruirait et guérirait aussi les malades, et elle lui obtint une nouvelle lumière intérieure, et une grâce spéciale de sainteté pour exercer ce ministère. De sorte que dans la troisième année depuis leur arrivée, Saint Joseph se mit à appliquer ses dons du ciel. Il enseignait et guérissait ordinairement les hommes, et notre grande reine les femmes. On ne saurait concevoir quels fruits il produisait, tant par les faveurs continuelles que ce peuple en recevait, que par l'efficace des paroles de notre auguste princesse, et par l'affection que tous lui portaient. Charmé de sa modestie et attiré par la vertu de sa sainteté, psaume 44, 2. On lui offrait de riches présents, afin qu'elle s'en servît, mais elle n'en accepta jamais aucun pour elle-même, car les saints époux se nourrirent toujours de leur travail, et lorsqu'elle se croyait obligée de recevoir quelque cadeau par honnêteté, elle le distribuait incontinent aux pauvres, et ce n'était que pour cela qu'elle se prêtait à la piété, et en même temps à la consolation de quelques dévots, à qui elle donnait même bien souvent quelques-uns de ses ouvrages en témoignage de sa reconnaissance. On pourra deviner par ces merveilles combien ils en auront fait dans le cours des 7 années qu'ils demeurèrent à Héliopolis, car il serait impossible de les raconter en détail. Instruction que l'Auguste Marie, reine du ciel, me donna. Ma fille, vous avez été frappée d'admiration à la vue des œuvres de miséricorde que j'exerçais en Égypte, soulageant les pauvres et guérissant les malades de tant de sortes de maladies, pour leur procurer à la fois la santé du corps et de l'âme. Mais vous concevrez combien cela s'accordait avec ma retenue, et avec le goût que j'avais pour la retraite, si vous faites réflexion sur l'amour immense qui porta mon très saint fils aussitôt qu'il fut né, à aller porter le salut dans ce royaume, en donnant à ses habitants les prémices du feu de la charité, dont son cœur était enflammé pour le salut de tous les mortels. Il me communiqua cette charité et me choisit pour être l'instrument de la sienne, aussi bien que de son pouvoir, sans quoi je n'aurais pas osé entreprendre une telle mission de mon propre mouvement, parce que mon inclination me faisait toujours pencher à la retraite et au silence, mais la volonté de mon Fils et mon Seigneur me conduisait en tout. Je veux, ma bien-aimée, qu'à mon imitation vous travailliez au bien et au salut de votre prochain, et que vous tâchiez de me suivre dans cette voie avec la perfection et d'après les règles que je gardais. Vous ne devez pas chercher les occasions, mais attendre que le Seigneur vous les fournisse, à moins qu'une circonstance extraordinaire ne vous force de prendre les devants. Mais en toute rencontre, tâchez d'instruire et d'éclairer ceux que vous pourrez par la lumière que vous avez reçue, non point comme exerçant l'office de maîtresse, mais avec des marques qui fassent connaître que vous ne voulez que consoler vos frères, que compatir à leur peine, et que leur apprendre à souffrir avec patience dans leurs propres afflictions, unissant à cet effet à la pratique de la charité beaucoup d'humilité et de prudence. Exhortez et corrigez vos inférieurs, et amenez-les à ce qui sera le plus parfait et le plus agréable au Seigneur, car après que vous aurez vous-même pratiqué cette perfection, le plus grand service que vous pourrez rendre à Sa Majesté sera d'encourager et d'instruire les autres, selon vos forces et selon la grâce que vous en avez reçue. Mais pour ce qui regarde ceux à qui vous ne pouvez parler, priez continuellement pour leur salut, et ainsi vous étendrez votre charité sur tous. Et puisque vous ne pouvez pas vous occuper des malades qui sont hors du monastère, redoublez vos soins envers celles qui s'y trouvent, vous employant à leur service, et contribuant vous-même à tout ce qui pourra les soulager et les consoler. Mais en cela vous ne devez pas vous considérer comme leur supérieur à cause de la charge dont vous êtes revêtus, car elles vous constituent leur mère, et c'est ce que vous leur montrerez par une égale sollicitude, par une égale affection pour toutes. Quant à tout le reste, vous vous estimerez toujours pour la dernière de la maison, et comme le monde occupe ordinairement les plus pauvres et les plus méprisables au service des malades, parce que, dans son ignorance, il n'apprécie pas la sublimité de cet emploi, à cause de cela même je vous donne, moi, comme à la plus pauvre et à la moindre de toutes, l'office d'infirmière, afin que vous m'imitiez en le remplissant. Extrait du livre 4e, tome 3, Pousielgue Rusan 1857, markemdanarchive.org 2023, d'après Books Google FR et Archive.org, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.